Thank you. massacre, le massacre, le massacre. Oh la vache. Ah, tu sais jouer toi, t'es un bon. Sans déconner quoi, t'es mauvais quoi. Thank you. Thank you. Ah oui, c'est faux, pardon. Thank you. Thank you.